Jean Bosco, Douimane. Bonsoir et merci de rester fidèle à ce rendez-vous d'information. Voici les grandes articulations de ce journal. Les explications du ministère en charge de la gestion du carburant sur la pénurie répétitive de ce produit stratégique sont loin de convaincre l'organisation PARSEM. Paroles et actions pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Alors que le ministère déclare qu'il n'y a pas à proprement parler de carence, mais de retard de déchargement de mazout ou d'essence importée, le président de l'association PARSEM considère que ce problème est lié au manque de devises et à l'inefficacité du système commercial burundais. Faustin Ndikumana demande aux autorités de prendre au sérieux cette question. Et l'opposition politique burundaise reste sceptique quant à l'issue du dialogue inter-burundais conduit par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, qui avait annoncé l'échéance du mois de juin. Vous entendrez le vice-président du parti Sawanya Frodibou ainsi que le secrétaire général de l'UPRONA. Et le porte-parole de l'armée burundaise annonce qu'une partie des indemnités pour les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie sera incessamment versée sur leur compte bancaire. Le développement de toutes ces nouvelles et d'autres, c'est dans un instant. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. 23 jeunes ont été arrêtés ce mardi soir par la police au quartier Nyamugari de la ville de Gitega. La police indique que ces jeunes habitaient une même maison sise à la 2e avenue de ce quartier et qu'ils n'avaient pas de pièce d'identité. Tous ces jeunes arrêtés sont au cachot de la police à Gitega et sont originaires de la province de Bujumbura, dite Bujumbura rurale. Et 6 personnes ont été arrêtées ce mercredi dans le quartier de Gihosha au bar Open Sky en mairie de Bujumbura pour des raisons d'enquête après une fouille perquisition qui a permis de trouver une arme de type Kalachnikov sans pièce mobile. Dans d'autres ménages voisins, il a été découvert des effets militaires et des munitions. Il a également été trouvé 4 bidons de 120 litres de carburant qui seraient destinés à Israel Church. Et les longues files d'attente qui s'observaient devant les stations-service sont dues à un retard de déchargement des camions qui ont amené le carburant ce week-end. Et cela est contenu dans un communiqué de presse sorti par le directeur de la gestion du carburant, Daniel Mitabakana. Dans son communiqué, il indique que la situation va être maîtrisée sans délai et tranquillise la population de ne pas céder au chantage véhiculé par ceux qui ne voudraient pas voir la situation se renormaliser. Et cette pénurie du carburant est un problème économique très sérieux qui ne doit pas être négligé jusqu'à observer une lenteur dans le déchargement de ce produit une fois importé. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana, président de l'organisation PARSEM, qui plutôt considère que ce problème est lié au manque de devises et à l'inefficacité du système commercial au Burundi. Suivez-le. Nous avons fait une analyse par rapport à la situation de l'énergie, de la crise d'énergie actuelle, où nous avons lancé un appel aux autorités pour venir apaiser la situation par un message fort. Ils l'ont fait, mais maintenant le carburant se fait encore rare, station, avec quand même une raison non convaincante, dire que le stock est là, qu'il y a un retard de déchargement, c'est impensable si le stock est arrivé pendant le week-end. On ne peut pas se donner le luxe de chômer pendant le week-end si on a un stock pour approvisionner les différentes stations. Ça serait un sens. Si on a eu cette aubaine d'avoir ce carburant, faut-il vraiment être victime d'une désorganisation? Ça serait encore pire si on s'organise de telle manière dans une situation de crise et de pénurie. Deuxièmement, la situation économique dans un pays est difficile de la cacher. Il faut quand même faire face aux réalités. Il faut attaquer le taureau par les cornes. Parce que jusqu'à maintenant, si la situation ne se normalise à telle enseigne que les banques commerciales retrouveraient le rôle classique et traditionnel de gérer les importations, de canaliser les devises pour que le pays soit approvisionné de manière régulière, là, vraiment, ça sera difficile de sortir de cette situation. Parce que la banque centrale se dit canalise les devises, peut-être nous affirmer vraiment que les comptes du Burundi dans des banques correspondantes étrangères, est-ce que les comptes sont garnis? Plutôt, nous constatons qu'il y aurait même des impayés liés à un approvisionnement à crédit antérieur, que même toute bouffée d'oxygène qui se dirige actuellement en matière d'alimentation en devises risque de tomber dans une dette déjà contractée pour approvisionner le pays en carburant. Faustin Dikoumana demande au gouvernement de prendre au sérieux cette question et surtout de communiquer la vraie cause de cette pénurie répétitive du carburant. Il faut vraiment un don urgent, il faut un crédit urgent des pays. C'est là où nous devons voir la capacité justement de mobiliser les fonds par rapport à une situation en crise. Parce que si le niveau du carburant se raréfie comme ça, bientôt le mois de juin s'annonce, c'est le début de la saison sèche. La crise de l'électricité va s'amplifier. Nous avons connu des déstages pendant la période des pluies. Maintenant, quand viendra la situation, si le carburant n'est pas là, c'est une situation grave, explosive même. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de faire face à ses responsabilités. Nous demandons vraiment au gouvernement de se réunir dans l'urgence, de nous dire la vérité à travers son porte-parole. C'est le moment justement du porte-parole du gouvernement de sortir pour s'exprimer, pour nous dire la réalité, quel comportement devons-nous adopter, sinon la situation ne sera pas tenable. Comment est-ce que l'économie va marcher? Payer les impôts. Les entreprises qui ont besoin d'une grande quantité d'énergie pour fonctionner. Ce sont celles qui sont même dans la base de la perception des recettes fiscales, la liberté de mouvement. Est-ce qu'on va rester à la maison? Je ne sais pas s'ils analysent la gravité de la situation. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM. Le mois de juin, qui commence jeudi, devrait être un mois de solution à la crise burundaise, à en croire du moins le facilitateur Benjamin Mkapa. L'ancien président tanzanien avait en effet déclaré en décembre 2016 qu'un accord aura été signé au plus tard fin juin de l'année en cours. Mais jusqu'ici, il n'y a eu que des réunions de briefing à l'égard des protagonistes au conflit, mais pas de confrontation entre pouvoir et opposition, surtout celle en exil. Léon Suitario revient ici sur les promesses de Benjamin Mkapa et certains des entretiens qu'il a eus avec différents protagonistes. Les 25 et 26 mai 2017, le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, a rencontré à Entebbe en Ouganda les représentants de la société civile, des confessions religieuses, de la jeunesse, des femmes en exil. Un rendez-vous similaire avait eu lieu à Bujumbura, où la délégation du facilitateur a rencontré début mai les protagonistes qui n'avaient pas été entendus à Arusha au mois de février. Au terme du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, le 20 mai, l'ancien président tanzanien a remis son rapport après une série de réunions de briefing aussi bien à Bujumbura qu'en dehors du sol burundais à l'égard de différents protagonistes au conflit. Pouvoir et opposition ont convergé que le dialogue inter-burundais d'Arusha n'a pas tant préoccupé le sommet. Alors que l'opposition prônait pour le maintien de la constitution et de l'accord d'Arusha, une commission chargée de proposer un projet de constitution amendé est déjà en place. Il a un délai de 6 mois à partir du 15 mars 2017 pour présenter son projet au gouvernement. Cette commission doit se pencher essentiellement sur le rapport de la CNDI, Commission nationale de dialogue inter-burundais, lequel rapport a été déposé au président de la République le 12 mai de l'année en cours. Entre autres propositions de la commission, il y a la non-limitation de mandat présidentiel, un point que l'opposition politique et des organisations de la société civile n'entendent pas digérer. Le 9 décembre 2016, au terme de sa visite à Bujumbura, le facilitateur Benjamin Mkapa a donné l'échéance du mois de juin 2017 pour avoir abouti à un accord en vue de mettre fin au conflit. Juin 2017 s'annonce, des opinions s'attendent à la concrétisation des révélations de Benjamin Mkapa. Léon Suitario, il serait illusoire de penser qu'au mois de juin, il y aura un accord issu du dialogue inter-burundais facilité par Benjamin Mkapa. Ce doute est de Léon Ngendakoumana. C'est le vice-président du parti Issawanya Frodebou au moment où le facilitateur avait fixé le mois de juin comme date butoir pour aboutir à un compromis dans le dialogue externe inter-burundais. Malgré ce scepticisme sur les échéances, il estime que le rapport présenté et approuvé par les chefs d'État de la sous-région est porteur d'espoir. Suivez Léon Ngendakoumana. Il faut d'abord féliciter l'étape déjà franchie par le facilitateur aujourd'hui et l'encourager à poursuivre le processus de dialogue inter-burundais dans la même direction. Il a déjà présenté au chef d'État de l'East African Community qui l'ont mandaté un rapport détaillé sur l'évolution de ce processus et je vous dis, beaucoup de gens en ont fait une appréciation positive. Ça, c'est déjà quelque chose à féliciter. Alors, deuxièmement, le facilitateur, c'est pas lui qui décide. Les décideurs, c'est nous, les Burundais. Lui, il a émis une suggestion parce qu'il croyait effectivement que les Burundais, particulièrement le pouvoir de Bujumbura et son opposition, étaient préoccupés par les problèmes qui pèsent sur le dos du peuple burundais. Pensez-vous que avec le mois de juin, on peut avoir un consensus, une feuille de route pour les prochaines étapes de la vie sociopolitique du pays? Comme les débuts ont été très difficiles, il serait illusoire de penser qu'au mois de juin, il y aura un accord qui consacre l'arrêt des violences au Burundi, qui consacre le rétablissement de la paix, de la sécurité, de la confiance dans ce pays afin de redonner l'espoir au peuple burundais. Mais j'estime qu'il est temps, franchement, au pouvoir de Bujumbura et à son opposition de comprendre la gravité de cette crise, de constater que nous nous acheminons tout droit vers le mur et d'envisager des voies et moyens qui permettraient rapidement de résoudre cette crise et de construire un Burundi digne, un Burundi uni, un Burundi réconcilié et prospère. C'est possible qu'au mois de juillet, s'il y a la bonne foi, comme le rapport est très clair là-dessus, comme nous avons déjà des acquis dans l'accord d'Arusha, c'est possible qu'au mois de juillet, on ait un accord et cet accord nous permettrait d'instaurer un État démocratique et une société juste dans ce pays. Léon Senghenakoumana, dont les propos ont été recueillis par Charles Makoto. Il a également interviewé le secrétaire général du parti UPRONA qui est de cet avis de Léon Senghenakoumana. Il estime également qu'il n'y aura aucun résultat au mois de juin qui sortira du dialogue facilité par l'ex-président tanzanien Benjamin William Mkapa. Mais Olivier Nkurunziza nuance, pour lui, l'important n'est pas de courir avec le temps. L'essentiel est de trouver un consensus qui mène à une paix effective. Il interpelle les politiciens burundais à une prise de conscience des problèmes qui hantent la population afin de bien préparer les élections de 2020. Le mois de juin, ça ne nous reste qu'une journée. Est-ce que vous pensez que dans une période d'un mois, on aura terminé ce dialogue? Alors au niveau du parti UPRONA, nous voyons qu'à mois de juin, il n'y aura aucun résultat jusque-là. Mais ce que nous comptons aujourd'hui, ce n'est pas seulement de courir avec la période, mais l'essentiel, ce qui va en sortir. Nous avons besoin que pendant le dialogue, le facilitateur peut prendre du temps, mais effectivement, pour que vers la fin, il y ait un consensus, un compromis qui aide les Burundis d'avoir la paix effective, qui aide les Burundis de se développer, parce que ce qui nous rentre, ce sont des problèmes économiques, les problèmes de la bonne gouvernance, les problèmes de la justice. Il faut que cela, ces questions soient bien débattues vers la fin, pour que nous puissions effectivement aller dans les élections de 2020 avec tous les politiciens. C'est notre souhait. Et sinon, on ne peut pas attendre de l'extérieur, des résultats au niveau du parti. Nous ne voyons pas ces résultats qui tomberont dans un mois. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le dialogue qui se déroule à l'extérieur du pays puisse prendre effet et produire des résultats escomptés? Ça revient à nous les politiciens au niveau du Burundi, c'est de prendre conscience et de voir que la question des Burundais doit trouver la solution à partir des Burundais. Nous ne pouvons pas attendre que le médiateur va nous inviter pour que nous puissions débattre sur des questions qui nous hantent, des questions qui concernent les Burundais, les problèmes de la sécurité, les problèmes de la justice. Ce n'est pas William Mkapa qui va rappeler ou appeler les politiciens burundais pour débattre sur ces questions. Alors ce que nous voyons, c'est que les politiciens burundais prennent conscience effectivement eux-mêmes pour trouver le moyen possible pour discuter. Si nous continuons à attendre que le facilitateur William Mkapa va nous appeler, les élections de 2020 arrivera sans rien trouver comme solution qui viendra dans le dialogue interburundais. Olivier Nkurunziza, c'est le secrétaire général du parti UPRONA. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Une partie des arriérés de soldes pour les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie sera incessamment versée sur leur compte bancaire. C'est une annonce faite par le porte-parole de la Force de défense nationale au cours d'une conférence de presse organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des casques bleus. Ces militaires viennent de passer plus d'une année sans percevoir ces indemnités. Le colonel Gaspar Baratouza reconnaît qu'il y a des militaires burundais qui ont été renvoyés des missions pour avoir commis des fautes. Mais il dit que le pays tire profit de ces missions de maintien de la paix. Aubin Niyonguru était à cette conférence de presse pour nous. Voici son reportage. Le porte-parole de l'armée burundaise annonce que ses arriérés leur sont parvenus ce samedi. Ces militaires en mission de maintien de la paix en Somalie viennent de passer plus d'une année sans percevoir ses indemnités. Pour cette tranche, ces militaires ont reçu la moitié de ses arriérés. Ça tardait, oui. Vous avez suivi depuis 2015-16 les contributions de l'Union européenne qui finance la mission de l'Union africaine en Somalie ont tardé à envoyer les indemnités comme c'était prévu. Alors cela a eu des répercussions bien sûr sur le peacekeepers. Le retard est d'une année et plus, mais aujourd'hui il y a un message annonçant que 6 mois sont déjà disponibles. Colonel Gaspard Baratouza déplore qu'il y a eu des cas de renvoi des militaires burundais qui sont dans ces missions. Des fois, il s'agit soit des cas de désertion, soit des cas de fautes commises. Oui, il y a eu quelques désertions, mais quand même, ça existe, puisque vous savez même, il y a des noms que vous savez. Alors, la cause, l'origine, c'est quoi? Il y a ceux qui ont voulu prolonger les mandats malgré la fin de leur mission. Mais il y a ceux qui passent outre, à côté, tripotent et puis veulent rester. Alors, conformément à la loi, cela ne peut pas se faire. Le porte-parole de l'armée fait toutefois savoir que le pays tire profit de ses missions. La participation du Burundi dans les missions de maintien de la paix dans le monde apporte des résultats positifs au niveau des pays contributeurs de troupes et à l'échelle internationale par l'acquisition de l'expérience en travaillant en synergie et efficacité avec les autres pays du monde. Jusqu'à maintenant, 124 pays, dont le Burundi, sur plus de 180 membres de l'ONU, ont déjà intervenu dans ces missions de maintien de la paix. Aubin Niyonguru. Nouvelle des provinces à présent, à partir de ce 1er juin, le marché de Ruyigi va être géré par la commune Ruyigi. Cette décision a été prise par le gouverneur de la province de Ruyigi au terme des investigations qui ont montré que l'association des investisseurs Sojemaru, qui gérait ce marché, n'a pas respecté les termes du contrat passé entre elle et la commune Ruyigi. Jean-Claude Chemiriman. La commune Ruyigi a résilié le contrat passé entre elle et la Sojemaru, société de gestion du marché de Ruyigi, et s'apprête à assurer elle-même la gestion de ce marché dès ce jeudi 1er juin 2017, comme demandé par le gouverneur de la province Ruyigi. Les raisons qui ont poussé le gouverneur Abdallah Hassan à exiger à la commune la résiliation du dit contrat relèvent essentiellement du non-respect des termes du contrat de par sa requête du 2 mai courant adressée à l'administrateur de la commune Ruyigi. En effet, la Sojemaru n'a pas payé régulièrement depuis 2006 les redevances qu'il devait mensuellement à la commune jusqu'à 7 200 000 francs burundais d'impayés à la fin de l'année 2016. Également, les dividendes annuels auxquels la commune avait droit comme une des actionnaires n'ont pas été versés pour cette année suite aux résultats nuls ou pertes enregistrées par la Sojemaru. En plus de ce manque à gagner au niveau des recettes communales attendues, le contrat entre les deux partenaires, qui devrait être renouvelé tous les 4 ans depuis 2006, a été renouvelé pour la première fois en janvier 2016, selon la même lettre du gouverneur de la province. Cette rétrocession à la commune de la gestion de ce marché a été bien accueillie par les commerçants qui opéraient à ce marché, puisque le coût de location des emplacements de commerce va diminuer de 6 000 francs par emplacement. Le manque de consensus entre la Sojemaru et les commerçants sur le niveau de la hausse du coût de location des emplacements de commerce depuis le début de cette année a été à l'origine de la mise en place d'une commission chargée de mener des enquêtes sur le fonctionnement de la Sojemaru. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Sanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. Et pour terminer ce journal, la fabrication des boissons prohibées est une réalité dans certaines communes de la province Makamba. L'administration provinciale confirme les faits. Le gouverneur indique qu'il essaie de combattre ce phénomène. Gad Niyukuri fait savoir qu'il a récemment arrêté un fabricant de ces boissons qui, tenez-vous bien, le frais latté à base d'urine. Suivez Gad Niyukuri. Nous sommes à bon chemin parce que dans ces derniers jours, nous avons aussi fait un grand affre pour bannir ça, pour aussi punir à ces gens-là qui fabriquent les boissons prohibées. Dans ces jours, si j'essaie d'analyser la situation où nous sommes aujourd'hui, je vois dans la commune de Makamba, c'est tout dans la zone de Nyangé et dans la commune de Nyanzarake, c'est tout aussi dans la zone de Muyangé, zone Nyanzarake. C'est là où on fabrique beaucoup ces boissons prohibées. Donc nous avons essayé de mener beaucoup d'efforts avec le comité mixte de sécurité provinciale, communale et même coroner pour déraciner ce mauvais comportement. Gad Neyokuri, c'est le gouverneur de la province de Makamba. Ainsi se referme ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les grandes articulations. Les explications du ministère en charge de la gestion de carburant sur la pénurie répétitive de ce produit stratégique sont loin de convaincre l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Alors que le ministère déclare qu'il n'y a pas à proprement parler de carence, mais de retard de déchargement de mazout ou d'essence importée, le président de l'association PARSEM considère que ce problème est lié au manque de devises et à l'inefficacité du système commercial burundais. Faustin Diko Mana demande aux autorités de prendre au sérieux cette question. L'opposition politique burundaise reste sceptique quant à l'issue du dialogue interburundais conduit par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa qui avait annoncé l'échéance du mois de juin. Vous avez suivi le vice-président du parti Sawanya Frodebo ainsi que le secrétaire général de l'UPRONA. Et le porte-parole de l'armée burundaise a annoncé qu'une partie des indemnités pour les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie sera incessamment versée sur leur compte bancaire. Ce journal a été mis en onde par Albert Ndouayo. Au micro, c'était Jean Bosco Ndouimana. Merci de nous avoir suivis.